Ici, les jours sont gris, gris comme les chemins déserts d'un pays sans âme, sans soleil. À casa di reine, on chante et on crie, y a des gens qui viennent, y a des gens qui rient. À casa di reine, on boit du bon vin, à casa di reine, on ne pense plus à rien. Que puis-je faire et comment vivre sans toi? Chez nous, la maison n'est plus que pierre, les murs sont vides et comme hérissés de morceaux de verre. À casa di reine, on chante et on crie, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui rient. À casa di reine, on boit du bon vin, à casa di reine, on ne pense plus à rien. Là-bas chez Irène, il y a un garçon qui te ressemble. Quand j'y vais, il vient vers moi, il me prend la main, il m'entraîne en silence et il me garde jusqu'au matin. À casa di reine, on chante et on crie, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui rient. À casa di reine, que puis-je faire? Je suis perdu seul sans toi. Ici, j'ai peur de rester seul, seul avec mes souvenirs, seul avec ma peine. Alors, je vais chez Irène, à casa di reine. À casa di reine, on boit du bon vin. À casa di reine, on ne pense plus à rien. À casa